On se dit souvent que les experts en gestion privée, c'est pour les autres. Parce que financer les études de ses enfants à l'étranger, avoir une entreprise, acheter sa résidence secondaire ou optimiser sa fiscalité, c'est aussi réservé aux autres, bien entendu. Mais si jamais vous découvrez que les situations des autres, eh bien, ce sont aussi les vôtres, alors vous avez sans doute besoin d'un expert en gestion privée. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le récit de Daniel James Brown, « Ils étaient un seul homme », compte l'histoire d'une équipe de jeunes sportifs américains dans les années 1930. Il est désormais disponible en traduction française. Franck Ferrand l'a lu pour nous. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Et on est bien dans ce nouveau studio Coluche. Il est magnifique. Flambant neuf, c'est un vrai plaisir. Ce livre, en effet, est très réussi. Il raconte les exploits de l'équipe américaine d'aviron lors des célèbres, trop célèbres diront certains, Jeux Olympiques de Berlin, organisés en 1936 par le régime nazi. Belle occasion de revenir en détail sur cet événement, aussi politique que sportif, et nous le ferons en compagnie d'un des meilleurs historiens du sport, Jean Durie. Et c'est à la question d'un très jeune auditeur que vous répondrez à la fin de l'émission. Le fils de Florent s'appelle Noah, il a 6 ans, oui, et, voudrait... ans oui, et voudrait déjà savoir qui a inventé le pain. Bah, tout simplement. Du reste, la question a l'air simple, mais vous allez voir que la réponse ne l'est pas tellement. Pour le moment, direction Berlin, en 1936, où toute une bande de jeunes rameurs s'apprête à faire des étincelles. Europe 1. De l'histoire. Franck Ferrand. L'aviron est un sport d'une extrême beauté auquel on accède au prix de grandes souffrances, écrit Daniel James Brown dans son roman. À la différence de la plupart des autres activités physiques, qui sollicitent principalement tel ou tel groupe musculaire, l'aviron fait appel de manière intensive à presque chaque muscle du corps, même si un rameur, comme Al Brixon aimait à le dire, se bagarre en restant sur son séant. Et ces muscles ne travaillent pas par intermittence, mais sur de longues durées, en séquences rapides, dans un mouvement cyclique et sans le moindre répit. Un jour qu'il avait assisté à l'entraînement des freshmen, Royal Brougham du Seattle Post-Intelligencer s'est émerveillé devant ce sport implacable. Je le cite, « Personne ne fait jamais de pause lors d'une course. Il n'y a pas d'endroit où s'arrêter pour calmer sa soif ou reprendre son souffle. On se contente de fixer la nuque écarlate et luisante de transpiration du rameur devant soi et de ramer jusqu'à ce qu'on vous dise que c'est fini. Ce n'est pas un sport pour les mauviettes, mes amis. » Fin de citation. Lorsqu'on rame, ajoute Daniel James Brown, ce sont les muscles principaux des bras, des jambes et du dos qui font le travail ingrat. Ils propulsent le bateau en avant contre la résistance continue de l'eau et du vent. Au même moment, des dizaines de plus petits muscles dans le cou, les poignets, les mains et même les pieds ajustent soigneusement les efforts du rameur, maintenant son corps en équilibre afin d'assurer la stabilité de la coque, large de quelques dizaines de centimètres seulement, c'est-à-dire juste de quoi tenir assis. Pour soutenir tout ce travail musculaire, nécessaire aussi bien à la propulsion qu'à l'équilibre, l'organisme brûle des calories et consomme de l'oxygène comme dans aucune autre activité humaine. En fait, des physiologistes ont calculé qu'une course de 2000 mètres, la distance olympique, demande à l'organisme le même effort que 2 matchs de basket consécutifs, mais en à peine plus de 6 minutes. J'extrais donc ces lignes de l'ouvrage de Daniel James Brown. Elles donnent une idée du caractère tout à fait particulier de cette discipline olympique qu'est l'aviron. Et d'ailleurs, l'auteur ajoute « Chaque course est un exercice d'équilibrisme, une série d'ajustements minutieux entre la puissance d'un côté et la cadence de l'autre, dans la recherche permanente d'une performance optimale. On peut ramer sans jamais tout à fait atteindre cet équilibre. » George Pocock était designer, constructeur de bateaux, d'avirons. Voilà ce qu'il dit de son côté. De tous les sports, c'est peut-être l'aviron qui est le plus rude. Une fois que la course a démarré, il n'y a pas de temps mort, pas de remplacement d'un rameur par un autre. L'aviron pousse l'endurance humaine jusqu'à ses limites. L'entraîneur doit donc inculquer les secrets de cette singulière résistance, celle qui repose dans la tête, le cœur et le corps. Toutes ces raisons expliquent peut-être que l'aviron soit devenu un sport universitaire des plus populaires dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis dans les années 1920. Là-bas, à l'époque, la presse couvre les championnats presque autant que ceux de baseball ou de football américain et les supporters sont innombrables. Les rameurs les plus doués sont encensés, sont de véritables stars à l'américaine et le président Franklin Roosevelt lui-même, qui était malade, vous savez, qui était invalide de son côté, le président Roosevelt était complètement fondu d'aviron, il suivait tous les résultats. Son fils, Franklin Jr., pratique l'aviron à un niveau élevé. Le but suprême de tous ces sportifs, évidemment, ce sont les Jeux Olympiques. Alors, aux États-Unis, dans les années 30, plusieurs universités sont en lice pour les éliminatoires. En 1936, ce sont les Olympiades qui vont nous intéresser aujourd'hui, les sélections vont se faire à Princeton. Il y a plusieurs équipes envoyées par les États de Washington, la ville de Seattle. Hein, l'État de Washington n'a rien à voir avec la capitale, avec la ville de Washington. On est complètement à l'opposé sur la rive ouest, hein, sur le Pacifique. Donc, l'État de Washington, de Californie, de Pennsylvanie, l'Académie navale, Princeton et puis le New York Athletic Club qui jusqu'alors était le plus célèbre. Le 4 juillet 1936, on est donc jour de la fête nationale américaine, ont lieu les éliminatoires. On a regroupé les équipes en deux groupes de trois et dès le lendemain 5 juillet, les deux premiers de chaque poule se retrouvent pour une finale à quatre. À l'époque, il fait extrêmement chaud aux États-Unis. Il faut savoir qu'à cette saison, en ce printemps 1936, printemps-été 1936, 3000 Américains sont morts de chaleur. Première course, Washington-Princeton-New York, donc, qui commence à 18h30. La chaleur de la fin de l'après-midi était lourde, nous dit Brown. Plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées le long du lac. La plupart d'entre elles avaient pris place sur les tribunes qui venaient d'être construites au niveau de la ligne d'arrivée. Washington s'impose avec 2 longueurs et demie d'avance sur le 8. Le 8, c'est l'équipe, si vous voulez, de New York, suivi par celui de Princeton. Les garçons de Washington avaient beau être sur deux, ils étaient néanmoins surpris de la facilité avec laquelle ils s'étaient imposés. Dit Brown, ils avaient à peine transpiré malgré la chaleur et l'humidité ambiante. Alors maintenant, il y a la deuxième course entre Californie, Pennsylvanie, Académie Royale. Ce sont les Californiens qui restent les meilleurs dans les sprints. L'équipe de Washington, à ce moment-là, n'a pas encore gagné, mais elle commence à y croire, non sans raison. Depuis le printemps, ces rameurs ont affronté à plusieurs reprises les Californiens, et ça leur a plutôt réussi. Alors, le bateau qui s'appelle le Husky Clipper, qui a été conçu par George Pocock pour les sélections, va faire merveille. Finale des éliminatoires pour cette sélection olympique, le 5 juillet donc à 17h. Californie, Pennsylvanie, Washington, New York dans le bassin. Le départ est compliqué pour l'équipe de l'État de Washington. Mais finalement, c'est bien cette équipe-là qui va l'emporter. On imagine la joie de ces 8 garçons. Les parents se sont précipités dans les bureaux de poste pour envoyer des messages de félicitations à leur fils. Le rêve devient réalité. Voici ce que l'entraîneur Al Ulbrichtson va écrire. Chacun dans le bateau avait une confiance absolue dans ses coéquipiers. Leur victoire ne peut pas être attribuée à tel ou tel individu, pas même au chef de nage Don Hume. C'est l'altruisme et le dévouement dont ils ont fait preuve pendant tout le printemps qui expliquent cette victoire. L'équipe va donc pouvoir préparer son voyage en Europe, en Allemagne, à Berlin, car, ne l'oublions pas, en cette année 1936, c'est le régime hitlérien qui a la responsabilité d'organiser les Jeux Olympiques. We'll be right back. Envie sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Les Chariots de Feu. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'équipe américaine d'aviron et aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et oui, il se trouve que 5 ans plus tôt, en 1931, avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, le Comité international olympique avait décidé que les JO d'été de 36 seraient organisés à Berlin. Il s'agissait de donner un encouragement à l'Allemagne qui était isolée, vous savez, dans le concert des nations depuis sa défaite de 1918 et qui surtout était complètement ravagée par un marasme économique qui se transformait en crise sociale aiguë. Vous savez qu'entre-temps, à la faveur d'ailleurs de tous ces événements, le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est devenu le chancelier et le Führer n'a pas manqué de critiquer vertement dès son accès au pouvoir cette idée de Jeux Olympiques qui, selon lui, était, je cite, « une invention de juifs et de francs-maçons ». Il estime que le fondement des Jeux Olympiques, et notamment le fait que les athlètes de toutes origines et originaires de toutes nations se mélangent pour participer à toutes les compétitions, ce principe était contraire à sa doctrine qui prône notamment la supériorité de la race aryenne. Seulement autour d'Hitler, il y a des gens qui lui ont dit « Mais attendez, c'est une très bonne chose cette histoire de Jeux Olympiques ». Goebbels notamment était là pour servir la propagande et il va faire changer d'avis à Hitler. Selon lui, les Jeux Olympiques sont une chance inespérée pour la nouvelle Allemagne d'apparaître comme un État civilisé, moderne, organisé, ça c'est une évidence. Une sorte d'état idéal, d'une certaine manière. Et Goebbels a très vite conçu ces Jeux Olympiques de 1936 comme une sorte de vitrine de la nouvelle Allemagne. Hitler a donc retourné sa veste, si je puis dire, pour se montrer soudain aimable avec le Comité international olympique. Les Jeux Olympiques auront bien lieu à Berlin. Et évidemment, en Allemagne, les sportifs non-ariens n'en sont pas moins exclus des clubs officiels. Ce qui va d'ailleurs amener des associations sportives juives à se créer, mais sans aucun espoir olympique, évidemment. Divers appels au boycott de ces Jeux vont être lancés dans plusieurs pays, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Suède particulièrement, en Tchécoslovaquie, nettement aux Pays-Bas également. Voyez donc le contexte pour le moins tendu, dans lequel il faut replacer notre histoire de l'équipe d'aviron de l'État de Washington, ces 8 étudiants, 9 en fait, si l'on compte l'ensemble de l'équipe, qui viennent de se qualifier pour Berlin. Hall Ulbrichson, donc, qui est l'entraîneur de cette équipe de l'État de Washington, est un ancien barreur dans l'équipe de l'université. Il avait gagné déjà les championnats nationaux en 24, en 26. Il a une énorme réputation. Il est d'origine mi-danoise, mi-galloise. Il faut imaginer une espèce de grand bonhomme musclé, large d'épaules, qui inspire naturellement le respect et qui va jouer un rôle essentiel, évidemment, dans la motivation de cette jeune équipe. Il entraîne ses étudiants à la dure. Il commence par les répartir en 2 équipes, qu'il appelle élite et pro-élite. Et pour prétendre à l'or olympique, il va lui falloir trouver les bons spécimens, si je puis dire. 9 garçons en qui une force exceptionnelle se trouverait alliée, nous dit Brown, à la grâce et à l'endurance et surtout à une forte personnalité. Tous devraient être capables de ramer parfaitement, à la fois sur de longues distances et lors d'épreuves plus rapides, quelles que soient les conditions, bien entendu. Vous allez voir que les conditions vont être compliquées à Berlin. Tous devraient être capables, surtout, de vivre en bonne intelligence, de vivre littéralement les uns sur les autres pendant des semaines d'affilée, voyageant, s'alimentant, dormant, courant ensemble, toujours en bonne intelligence. Tous devraient être capables de résister à une énorme pression psychologique, puisqu'on est là aux Jeux Olympiques, sur la scène la plus en vue du sport mondial, sous les yeux de la planète entière. Alors voilà l'équipe qu'il constitue. En 8e position, le plus à l'avant si vous voulez, Gordy Adam. En 7e, Chuck Day. En 6e, Roger Morris. En 5e position, Johnny White. En 4e, Stubb McMillan. En 3e position, Shorty Hunt. En 2e, Joe Rance. C'est le personnage qui est un peu le fil conducteur de l'ouvrage de Brown. C'est lui dont on suit les exploits peu à peu. Et puis en 1re position, ce Dom Hume dont je vous parlais. Le barreur étant Bobby Mock, qui va jouer un rôle absolument essentiel. Ces jeunes sportifs se sont qualifiés pour Berlin. Seulement pour le moment, ils en sont encore loin. Et notamment, ils ont un problème qui est un problème tout bête, qui est un problème de financement. Le président de la commission aviron du comité olympique a en effet refusé de financer le déplacement de l'équipe. On est dans l'équipe de l'État de Washington, on est à Seattle, on n'est pas du tout chez de jeunes gens, fortunés, comme on pouvait le voir dans certaines grandes universités plutôt de la côte Est. Il faut dire qu'au moment des Jeux Olympiques de 28 et de ceux de 32, les Californiens, qui à l'époque représentaient les États-Unis, avaient voyagé à leurs propres frais parce que eux justement pouvaient se le permettre. L'équipe a une semaine, c'est pas beaucoup une semaine, pour rassembler 5 000 $. Ulbrichtson ne parle pas de ce problème-là aux sportifs, d'ailleurs qu'ils n'en sauront jamais rien. Vous imaginez qu'en fait les 5 000 $ ne seront pas très compliqués à réunir. Il y a un tel enthousiasme autour de l'exploit de cette équipe de Seattle qui fait la une de la presse. Des dizaines de personnalités locales sont contactées, la somme est rapidement réunie et l'équipe de l'État de Washington devient donc officiellement équipe nationale américaine d'aviron. Tout ce petit monde va pouvoir embarquer sur le SS Manhattan, direction l'Allemagne. George Pocock, de son côté, s'est bien occupé du bateau, bien sûr, qui fait 19 mètres de long. Alors, il a poncé la coque, il a appliqué plusieurs couches de vernis marin, il a poli tout ça jusqu'à ce que l'embarcation miroite au soleil. L'objectif, c'est que le Husky Clipper, c'est son nom, brille, certes, mais surtout qu'il glisse le plus parfaitement possible sur l'eau. Le 12 juillet, l'heure est venue de charger le petit bateau sur le grand, qui doit partir 2 jours plus tard pour l'Allemagne. Vous voyez la rapidité de tout ça, hein, ils se sont qualifiés le 5 et le 6 juillet. Et là, on n'est jamais que le 12. Le 13, veille du départ, les garçons assistent à un concert spécial de Duke Ellington et de son orchestre. Et le 14, tout le monde est à bord du SS Manhattan à 10h30. Faut voir ce que c'est le SS Manhattan, un grand paquebot magnifique, 200 mètres de long, 8 ponts, 1239 passagers, un des plus prestigieux transatlantiques de la flotte américaine de l'époque. Ils ne sont pas seuls à bord, hein, puisqu'il y a notamment les 325 autres membres de la délégation olympique américaine. Tous les sportifs américains sont sur ce navire. La traversée va durer 9 jours. On arrive en Allemagne le 23 juillet au soir, à Hambourg, bien entendu. On peut pas dire qu'à bord, notre équipe ait fait tellement de sport. On peut faire un peu de course autour des ponts supérieurs, évidemment. Il y a une salle de musculation à bord, mais enfin, elle est surtout occupée par les passagers. Ils ont joué au tennis de table. Ils ont surtout discuté avec les autres sportifs. Et en moyenne, ils ont pris chacun entre 2 et 3 kilos, quand même. Vous voyez, donc, c'était pas formidable, cette traversée d'un point de vue sportif. Certains ont même pris froid. Ils arrivent complètement enrhumés, le 23 juillet, en Allemagne. Alors, dès 5h du matin, le 24 juillet, le Husky Clipper, le navire, est déchargé par l'équipe après une courte nuit de sommeil, tout ça sous une pluie battante. Et à midi, on est déjà dans le train, direction Berlin. Cette fois, l'entraînement décisif va pouvoir commencer. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'arrivée de l'équipe américaine d'aviron aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Voilà, alors leur bateau a été installé au bassin des régates à Grünau. Et vous savez, les photographes, à l'époque, c'est la presse écrite essentiellement. Il y a de la radio, bien sûr, mais c'est la presse écrite qui fait du bruit. Et si j'ose dire, il y a beaucoup de photographes. Et il y a un photographe qui va bêtement vouloir faire une photo du dessous du bateau. Et en se relevant, il heurte le petit bateau et il va fendre le bois. Ça commence mal. Cette histoire, l'entraînement est également assez difficile. Ils ne sont pas très en forme, les Américains. Il va même falloir en remplacer un qui n'est vraiment pas, qui n'arrive pas à se remettre de son rhume de la traversée. Et à côté de ça, vous avez les concurrents allemands, très courtois mais très sûrs d'eux, qui viennent du club d'aviron des Vikings de Berlin, qui sont plus âgés que les Américains, qui ont un équipement de premier ordre, une discipline militaire bien entendu. Les favoris, ce ne sont pas les Allemands, cela dit, ce sont les Britanniques, la crème de leur pays, nous dit Brown, soigneusement sélectionnés parmi leurs nombreux congénères d'Oxford et de Cambridge, tout aussi excellents les uns que les autres. Alors au sein de l'équipe, c'est Joe Rantz que suit Brown, un personnage attachant. On le voit, il est le deuxième en partant de la gauche dans la photo, sur la photo qui fait la couverture du livre. On voit que c'est un athlète accompli. Et effectivement, il va se révéler capable de ramer plus que n'importe qui. On va s'en rendre compte dès les premières courses éliminatoires. Alors, les Américains sont d'abord confrontés à la France, au Japon, à la Tchécoslovaquie et donc au pays qui les inquiète le plus, aux États-Unis. Or, à la première course, aussi incroyable que ça puisse paraître, le Husky Clipper franchit la ligne avec 6 mètres d'avance sur l'embarcation britannique. Ça s'annonce très bien, cette affaire. On connaît désormais les adversaires pour la finale. Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Hongrie et Suisse. Le grand jour arrive, c'est le 14 août. Pour la finale, le Führer en personne est annoncé au stade nautique. De toutes les épreuves d'aviron, c'était celle dont les nations tiraient le plus de gloire, celle qui exigeait le plus des rameurs, la puissance, la grâce, la pugnacité, portée à leur acmé sur l'eau, nous dit Brown. L'équipe américaine est prête, le barreur Bobby Mock se tient droit avec son mégaphone, vous savez. Seulement, il n'entend pas le starter qui a agité son drapeau en hurlant « Messieurs, êtes-vous prêts? Partez !» Il n'est pas le seul. Seulement 4 équipages sur 6 se sont lancés. La Grande-Bretagne, les États-Unis n'ont pas bougé. Est-ce que c'est un faux départ? Eh bien, en fait, on a l'impression qu'on va pas relancer la course. Et donc, heureusement, Joe réagit. Il faut y aller, dit-il. Les 8 rameurs américains s'élancent, donc en retard d'un coup et demi, alors qu'il s'agit de la course de leur vie. C'est pas de chance, ça. Dans les premières lignes, les Allemands et les Italiens ont fait un joli départ. Ils prennent évidemment la tête de la course. On passe le repère des premiers 100 mètres. Premier classement annoncé, Allemagne en tête. Et vous imaginez la joie dans les tribunes. Le vent est terrible, hein, ce jour-là, sur le stade nautique. À 200 mètres, le classement a changé. Les Allemands sont relégués à la 3e place. Les Anglais ont pris la 2e et ce sont les Suisses qui maintenant font la course en tête. On est à 500 mètres. Il reste encore les 3/4 à parcourir. Le classement est Suisse, Grande-Bretagne, Allemagne, suivi des Américains, des Italiens et des Hongrois. À 600 mètres, les Américains ont encore une longueur et demie de retard. On pense pour eux que c'est vraiment perdu. Et d'autant plus qu'ils ne gagnent pas de terrain jusqu'à 1000 mètres. Classement à 1000 mètres. Italie en tête, juste une seconde devant l'Allemagne donc les Américains en dernière place. À 1200 mètres, Mock décide de donner la nage à Joe et au moment où il s'apprête à l'annoncer, la tête de Dom Hume se relève, les yeux s'écarquillent, il plante son regard dans celui de Bobby Mock. Hume monte le rythme, la cadence bondit littéralement et là les Américains d'un seul coup démarrent. Si je puis dire, à 1500 mètres, ils sont à la 3e place, il n'y a plus que 500 mètres à faire. À moins de 300 de l'arrivée, le Husky Clipper talonne les Allemands et les Italiens. Hitler, qui pensait la course gagnée pour les Allemands, avait carrément posé ses jumelles. Les Allemands, les Italiens remontent, mais les Américains ne lâchent pas. Hume augmente la cadence, encore un dernier coup de rame, et c'est l'arrivée. Dans l'espace d'une seule seconde, les 8 Allemands, Italiens, Américains ont franchi la ligne, ce qui fait qu'on ne sait pas qui a gagné. Il y a quelques instants de suspense, silence dans les tribunes, jusqu'à l'annonce dans les haut-parleurs. La proue du Husky Clipper américain a franchi la ligne d'arrivée avec 6 dixièmes de seconde d'avance sur le bateau italien et 1 seconde sur le bateau allemand. Sur le balcon de la Hauswest, Hitler se lève et disparaît. Goebbels, Göring, tout le monde en fait autant. Les Américains ne comprennent pas l'allemand. Il va falloir leur expliquer, leur dire « Mais oui, c'est vous, comment ça nous ? Mais c'est vous les champions, vous avez gagné, vous êtes les champions olympiques. » Bonjour Jean Durie. Alors avec vous, nous allons revenir non seulement sur cette course et sur cette extraordinaire aventure de cette équipe américaine d'aviron, mais aussi sur l'ensemble des exploits accomplis lors de ces célèbres Jeux de Berlin en 1936. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous plongeons au cœur de l'histoire des Jeux Olympiques de 1936 avec vous Franck Ferrand et votre invité Jean Durie, écrivain, historien du sport et de l'olympisme, fondateur du Musée National du Sport, membre de la commission culturelle du Comité International Olympique. Eh bien dites donc, tous ces titres pour vous Jean Durie. Alors ça tombe bien, vous aviez lu justement l'ouvrage de Daniel James Brown, Ils étaient un seul homme, à la librairie Vuibert, sous-titré L'histoire vraie de l'équipe d'aviron qui humilia Hitler. Et vous l'avez apprécié ce livre, je crois. Oui, j'étais très heureux, Franck Ferrand, que vous choisissiez ce livre. Parce que d'abord, il faut parler de sa qualité littéraire. Oui, oui, vraiment. L'aviron, c'est un sport dont on traite rarement. Et par exemple, en France, il y a seulement un livre qui s'appelle « Les hommes forts ». C'est un roman paru en 1942 de Georges Magnan, qui est quelqu'un sur lequel il y aura d'ailleurs un symposium au début de juin à la médiathèque de Limoges. Donc, il y a le sujet. Mais il y a la façon de le traiter. Et c'est ça qui est absolument remarquable, c'est la manière dont les écrivains anglo-saxons empoignent un sujet. On laissera de côté la boxe de Jack London à Norman Mailer, en passant par Hemingway, Butch Schulberg, etc. Mais il y a chez les écrivains américains deux sports. Et dans l'ensemble, une façon de traiter les sujets qui est tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'ils ont une précision dans le langage. Ils ont une expérience de la vie qu'ils savent traduire. Et c'est ainsi que par moment, parce que ce livre traite aussi de la grande dépression des États-Unis et de la façon dont ils vont commencer à en sortir sous Frank Roosevelt, eh bien, cette façon de traiter les choses, elle est tout à fait celle de Steinbeck dans Les raisins de la colère, par exemple. Et si vous voulez, cette précision, c'est une connaissance du sport, mais c'est une façon de traiter les sujets comme les romanciers français en sont hélas assez peu capables. Qualité littéraire. Alors on a eu Antoine Blondin, on a eu Jacques Perret, etc., qui font plutôt de la chronique sportive. C'est une finesse d'analyse du sport et c'est l'esprit. Mais ça, c'est autre chose. C'est un récit. Comme par exemple, il y a eu un livre récemment, L'intelligence du jeu, qui est paru chez Lattès sur le baseball d'un certain Chad Arbach. C'est tout à fait remarquable. Et là, ce qui m'a amusé dans votre présentation tout à l'heure, c'est que bien entendu, comme vous vous centrez sur les Jeux Olympiques de Berlin, vous avez parlé essentiellement de la partie du livre dont je n'aurais à peine parlé. En ce sens que ce qui est passionnant, c'est la façon dont l'auteur prend en main le destin de ce Joey Gans, dont vous avez cité le nom et qui est le fil rouge du livre. Et ce qui va se passer pour lui, une enfance très difficile. Et puis, tout d'un coup, le 5 décembre 1933... il arrive à cette université. Lui, c'est un pauvre gars, alors que ce sont souvent des nantis qui font partie de l'université. Il a eu une enfance très difficile et il s'inscrit à l'Aviron. 9 mois plus tard, il fait partie de l'équipe des freshmen qui déjà remporte un titre important. Freshmen, c'est les nouveaux venus, en fait. Les premières années aux États-Unis. Les sophomores, c'est la deuxième année. Et le 21 mars 1936, il va être choisi par l'entraîneur dont vous avez évoqué le nom pour aller dans le 8 de Berlin. Parce que vous avez parlé tout le temps de l'équipe américaine d'aviron, mais non, c'est le 8 qui est un élément de l'équipe américaine d'aviron, laquelle a ramassé des casquettes à Berlin. Parce que vous avez parlé du très beau bateau préparé par Georges Pocotte, mais pour le reste, les autres équipages ont été une déception, alors que à Los Angeles, 4 ans plus tôt, ils avaient été évidemment très très brillants. Donc il y a tout ça dans ce livre, et une densité absolument extraordinaire. C'est une très belle histoire de vie. On voit au début l'auteur se rencontrer un vieux monsieur qui est le fameux Joe, qui va raconter en quelque dont il va raconter toute la vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne parle pas seulement du sport d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue moral d'une certaine manière. Voilà, parmi les dernières lignes du livre, ce qu'il dit de Joe, l'espace d'un instant, écrit Brown, dans les dernières centaines de mètres, si éprouvantes de la course, abrutis par la douleur et le bruit de leur sprint effréné, il est apparu à Joe comme une évidence qu'il ne pouvait rien faire d'autre pour remporter la course que ce qu'il était déjà en train de faire. Mis à part une chose, il pouvait enfin se départir de toutes ses inquiétudes, se fier sans la moindre réserve aux autres rameurs pour faire avec lui ce qu'il devait faire au moment où il devait le faire. À ce moment-là, ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas se permettre la moindre hésitation ni le plus petit doute. Ils n'avaient pas d'autre choix que de se jeter dans chaque coup comme s'ils se jetaient dans le vide depuis une falaise, avec la certitude inébranlable que les autres seraient là pour l'empêcher de prendre tout le poids du bateau sur sa palette. Ils l'avaient fait encore et encore, 40 fois par minute. Ils s'étaient jetés à corps perdu vers son destin. Il savait maintenant que les autres garçons seraient là, pour lui tous, toujours. Oui, et alors, on revient sur l'aviron, effectivement. Je soupçonne Daniel James Brown d'avoir lui-même été un rameur. Et pas possible qu'avec cette finesse, il en parle aussi bien. Mais il sait, au fur et à mesure du livre, faire comprendre que l'aviron est un art. C'est le plus beau. À un certain moment, quand on attrape le fameux « swing », à ce moment-là, on est au-delà de soi-même et on rame pour les autres, pas seulement pour soi. Parce que l'aviron, c'est un sport très curieux. Imaginez-vous que c'est le seul sport où les sportifs tournent le dos à la ligne d'arrivée. Seul le barreur voit ce qui se passe. C'est pour ça qu'eux voient essentiellement le torse qui les précède. Et d'autre part, c'est un sport, quand on est en équipage, où il faut suivre, on ne peut pas faire autrement, parce que si on est le maillon faible, à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'équipe qui perd. Et alors, comme le dit très très bien l'auteur, et comme le dit souvent Georges Pocotte, ce constructeur d'origine anglaise, qui est lui aussi l'un des éléments essentiels du livre, tout ça, c'est tout à fait étonnant, car il y a autre chose que l'aventure individuelle. L'ouvrage s'appelle donc « Ils étaient un seul homme ». C'est l'histoire vraie de cette équipe d'aviron américaine par Daniel James Brown aux éditions, enfin la librairie Vuibert. Alors, cette équipe, ce 8 comme vous dites, hein, ce 8 de l'État de Washington, faisait partie de la très nombreuse délégation américaine qui a remporté pas mal de médailles à Berlin d'ailleurs. Oui, hein. Mais, et alors là nous allons arriver en droitine sur les Jeux de Berlin, la grande nouveauté athlétique des Jeux de Berlin, c'est que l'Allemagne est apparue largement en tête du classement. 89 médailles, dont 33 médailles d'or, soit 11 fois plus qu'à Los Angeles 4 ans plus tôt. Et les États-Unis, qui avaient été supérieurs en athlétisme, en particulier avec Jesse Owens, dont on parlera certainement, eux ne venaient plus qu'en deuxième position, 66 médailles, dont 24 médailles d'or. Puis venaient l'Italie, la Hongrie, le Japon et la France, qui n'était pas si mal classé que cela, sixième position, 19 médailles, dont 7 médailles d'or, mais qui avait été inexistante dans les sports majeurs qui étaient l'athlétisme et la natation. Pourquoi les Allemands ont-ils comme ça dominé de l'ensemble des épreuves alors qu'ils étaient chez eux, il faut dire, hein, et peut-être un peu galvanisés, c'est peut-être une partie de la réponse. Un peu galvanisés, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ces Jeux avaient été construits pour montrer la grandeur de la nouvelle Allemagne et pour montrer la supériorité de la race aryenne. Hitler l'a dit dès le départ, dans l'année 1933, quand il assiste à une des premières réunions d'un comité d'organisation, qu'ont investi les nazis, alors qu'au départ ce n'était pas ça, puisque vous l'avez bien dit tout à l'heure, quand les Jeux sont attribués à Berlin, c'était la République de Weimar. Bien sûr. Et ça c'est absolument essentiel. Mais ensuite, le comité international olympique a été berné, véritablement, et les parallèles qui s'imposent pour moi, c'est évidemment ce qui s'est passé à Sotchi et à notre époque actuelle. C'est pourquoi votre analyse qui se place en 1936 est d'une actualité brûlante. Donc il s'agissait de montrer la supériorité de la race aryenne et tout a été fait pour préparer les sportifs, on dirait aujourd'hui, comme des professionnels, alors que l'amateurisme, si l'on peut dire, c'est l'esprit même d'une équipe comme l'équipe de France, paraît évident, y compris dans les moindres détails, comme le fait que les paquetages et les vêtements n'arrivent que deux jours avant le début des épreuves et que c'est un affolement général. Il y a quand même eu un certain nombre de demandes, hein, je l'ai dit, dans pas mal de pays, pour que l'on boycotte ces Jeux Olympiques. Mais ce qu'il faut quand même préciser, et je réponds à moitié en disant ça à Lucille, hein, qui nous envoie un message sur Twitter et qui demande pourquoi ces Jeux n'ont pas été annulés après l'arrivée de Hitler. On est encore en 1936, c'est-à-dire que le régime hitlérien dérange beaucoup, on connaît sa nature raciste, mais il n'a pas encore la mauvaise réputation qu'il aura trois ans plus tard. Hein. Il y a encore beaucoup d'hommes politiques dans le monde entier pour approuver globalement ce qui se passe en Allemagne, il ne faut pas l'oublier. Hein. À la question que pose Lucine, on pourrait ajouter, pourquoi n'a-t-on pas annulé les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi ? Puisque pas tout à fait la même chose quand même. Si, car le lendemain, Poutine envahissait la Crimée. Donc, il y a ce même rôle d'écran de fumée avec des changements toute d'époque, évidemment. Toute proportion gardée, disons, oui. Oui. Mais le parallèle est encore plus fort qu'on ne l'imagine. Ce qui laisse la question de Lucille en suspens. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. James, Cleveland, Owens, Jesse Owens. Un homme qui court, un homme noir qui court. James, Cleveland, Owens, Jesse Owens. Un homme qui court, lui, tous les autres, allez. Regardez-moi mes ancêtres, regarde-moi mon Afrique oubliée. Berlin, 36, les Jeux Olympiques, le petit-fils d'Oscar, son vol de la victoire, allez. Negroes and dogs, not allowed. Les nègres et les chiens ne sont pas admis. Afrique, ma lointaine, c'est mon heure. Michel Jonas sur Europe 1 avec un court extrait de son titre Jesse Owens. Alors avant de parler de Jesse Owens justement, vous souhaitiez revenir sur cette question du boycott, Jean Dury. Oui, parce qu'au fur et à mesure, les choses se gâtent. 1933, c'est tout de même le début du boycott des Juifs. C'est le 15 mai, les autodafés, c'est-à-dire qu'on brûle les livres. Et puis 1935, le 15 juillet, des Juifs sont roués de coups sur le Fürstendamm à Berlin. Et d'autre part, le 15 septembre, ce sont les lois antisémites de Nuremberg qui rejettent les Juifs de la nationalité allemande. Donc évidemment, les choses devenaient de plus en plus visible, dans la mesure où on était informé. Et alors, dès le début, en 1933, aux États-Unis, les milieux juifs ont pensé à un boycott. Et puis, petit à petit, dans d'autres pays que vous avez cités, on pourrait aussi citer le Canada, se sont agrégés d'autres mouvements. Les mouvements ouvriers, les émigrés d'Allemagne qui avaient fui le régime nazi, les communistes... Et petit à petit, le mouvement a grossi. Mais, du côté du Comité olympique international, il y avait des alliés d'Hitler, objectif ou non. Et en particulier, Evry Brundage, qui plus tard présiderait le Comité international olympique. Et Evry Brundage, en 1934, est allé faire une enquête. Il représentait une commission à lui tout seul. Il en est revenu avec des informations parfaitement biaisées, disant que tout allait bien. En 1934, le général Scheril a été reçu par Hitler et puis Bailly-Latour, qui était le successeur de Coubertin à la présidence du CIO, et tout le monde a dit « tout va bien ». Cependant, le 21 novembre 1935, à New York, il y a encore 20 000 personnes qui vont au Madison Square Garden pour protester. Mais, au début de décembre, Brundage réussit à arracher à l'Association athlétique des États-Unis, par un vote de 61 voix à 57, le fait qu'on ira à Berlin, et avec cette présentation tout à fait étonnante d'hypocrisie, on participera, ce qui ne veut pas dire qu'on cautionne pour autant le régime politique depuis organisateur. C'est pour ça que vous voyez que les parallèles que je donne... Hein, quand même. Oui, parce que tout de même, il faut évoquer Moscou 1980, 80, oui. Il faut évoquer Pékin 2008, et comment, oui. Bien sûr, et il faut, j'y reviens, évoquer Sotchi. Donc il y a eu en fait une sorte à chaque fois d'utilisation du mouvement olympique par un certain nombre de régimes autoritaires. Et cependant, avec le recul du temps, on ne sait pas bien quelle a été l'importance de ce mouvement du boycott. À l'époque, et en particulier les sportifs, quelques-uns n'ont même pas su qu'il y avait ces tentatives. Et en France, que se passait-il? Le gouvernement du Front Populaire arrivait le 19 plus, juin, oui, le gouvernement de Léon Blum. Le 9 juillet seulement, à la Chambre, le 9 juillet, alors que les Jeux vont commencer le 1er août, on vote sur les crédits. Il y aura un fameux débat. 521 voix seront pour la participation à Berlin, crédit d'un million. Un député votera contre. Il s'appelle Pierre Mendès-France. Et il y aura 72 abstentions des communistes. Et on donnera 600 000 francs pour une participation française à une Olympiade populaire qui est prévue à Barcelone à partir